Chapitre 346. L'interdiction de jeûner sans rompre son jeûne le soir plus d'un jour d'affilée. Wissal. 1764. D'après Abu Huraira et Aisha, radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a interdit de jeûner sans rompre son jeûne le soir plus d'un jour d'affilée. Al-Bukhari et Muslim. 1765. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a interdit de jeûner sans rompre son jeûne le soir plus d'un jour d'affilée. « Ô messager d'Allah, » fit remarquer les compagnons, « toi tu jeûnes pourtant sans interruption. »« Je ne suis pas comme vous, » répondit-il, « on me nourrit et on m'abreuve. » Al-Bukhari, dont c'est la version, est musulman.